imagine te montrer combien j'ai la peau dure à toute épreuve s'il s'agit de montrer que je suis une armure à moi tout seul. Je n'irai pas bien loin. Plus passe les âges, plus c'est certain, je suis comme les arbres. Il y a des saisons où je me perds. Voici